La otra noche. Los ojos en la nuca, la boca sedienta sin labios organizados, narices que sudan, los pómulos parecidos a un culo de cualquier asilo del Estado. El reloj se apresura y fantasea con putas más o menos negras. Pasan putadas, palabras abortadas, palabras que no son palabras. Nocturnidad del alma, horas largas, amargas, amarras, centauras. Recuerdos que se alejan con el moco muerto. Avec une paille, évidemment. Un petit boc, ça me choque. Je préfère croire que monsieur se moque. Il a regardé, a dit bien fort. Mais je suis le duc Windsor. Avec un fort accent anglais. Je ne vois que ça dans mon palais. Un petit boc, please. Un petit boc, please. Ça m'est égal si ça vous choque. La otra noche, la otra noche. Recuerdos que se alejan con recuerdos que se alejan con el moco muerto. À cette soirée de gala, se mirent à commander aussi le verre de la démocratie. Et un petit peu, garçon, un petit peu, écoutez, mais c'est divin, c'est tout bonnement divin, et puis c'est tellement, comment dirais-je, tellement Paris, et d'une simplicité, écoutez, n'est-ce pas? El síndrome de las palabras.